Still Overdrive on Radio Dio. Can't you see we're living on the road? Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, le groupe Heat avec son album live au plus grand festival de Suède, Live at Sweden Rock en l'an 2018. Toujours avec ce chanteur Eric Ronwall, excellent chanteur que vous retrouvez maintenant dans Skid Row, un chanteur qui a combattu une leucémie pendant le confinement avant de rentrer de manière un petit peu surprise dans Skid Row et de nous offrir un excellent album avec ces derniers. Voilà, donc dans Overdrive, restez bien au chaud derrière votre tuner, sirotez une bière dans votre rocking chair. Ce soir dans Overdrive, vous aurez Rival Sons, de la bonne musique et bien sûr quelques groupes issus de cet excellent festival du Plein Air Fest qui se situera du côté de Colombieux-Sommier. Ce sera dans deux semaines, les vendredis et samedis 7 et 8 juillet prochain. C'est juste à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. Vous aurez Loud Blast, Paradise Lost, Carpenter Brut, Mirat, également Blind Guardian, pour un groupe qu'on n'a pas vu à Lyon depuis des mémoires de métalleux. Voilà, une superbe affiche, Paradise Lost, on a de quoi en passer. Massisteria également. Donc Rival Sons maintenant, Rival Sons, Dark Fighter, un diptyque. La deuxième partie devrait sortir en fin d'année. Sur cette première partie, on retrouve un son très roots, comme ils affectionnent tout particulièrement, pas mal de fuzz dans les guitares, ainsi que cette voix habitée de Jake Buchanan, qu'on dirait tout droit sorti des années 70s. Le groupe nous sort ce Dark Fighters maintenant, avec un titre très français qui s'appelle Guillotine. Am I closer to closer to heaven or closer to hell. Oh, the deeper I go, it's harder to tell. Yes, Rival Sons, tout de suite dans Overdrive. Vous écoutez toujours l'émission qui pulse sur le 895 de Radio Dio. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce Rival Sons, mais moi j'adore tout particulièrement les riffs de guitare, aussi on va dire reconnaissables, la voix bien entendu de Jay Buchanan, toujours aussi enjouée, pleine de feeling. Bien entendu. Voilà, on va passer maintenant à ce groupe Vipera qui nous sort cet album Race of Time sur Frontiers Records, du hard rock, heavy metal, tout ce qu'il y a de plus classique sur Frontiers Records, avec le morceau Mary Jane. Tout de suite, c'est bien sûr sur Overdrive Radio Duo. Yeah! the middle of a heartbeat, in the middle of a dream. Diamond rings and a big, big deal, don't matter now. Yes, Viper, tout de suite avec ce Mary Jane dans Overdrive. Bien entendu, on continue avec de l'excellente musique et du heavy metal, bien sûr américain, avec ce groupe, bien sûr, qui est peut-être un groupe de heavy metal de seconde zone, mais qui a connu quand même une grande carrière puisqu'il a vu passer d'excellents musiciens. Ça s'appelle Jack Panzer. Nous sort son dernier album sur Atomic Fire Music. On rappelle que on a vu de superbes guitaristes dans ce Jack Panzer, comme ce Chris Broderick qui a fait partie de Nevermore et de Megadeth, rien que ça. Donc avec son dernier album, du heavy metal pur et dur, et c'est bien entendu sur Radio Dio que ça se passe. You say those loving words, you keep me on a leash. Yes, vous venez d'entendre The Sound Comet. The Sound Comet qui nous sort cet album, ce plutôt EP, 5 titres soundcheck pour du rock alternatif. Ça sort sur MNO Music. Sound Comet, un trio français, enfin non pas, plutôt un groupe de rock complet, donc 5 personnes. Très bonne production, j'ai trouvé. On ressent les influences du groupe comme Muse. Voilà, ça sort sur MNO Music avec le morceau que vous venez d'entendre, Moth to a Flame. On cale du heavy metal, encore une fois traditionnel, maintenant dans Overdrive avec Fifth Angel et son album When Angels Kill, avec le morceau Resist the Tyrant, et ça voit le jour sur Nuclear Blast, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. A man has been revealed. It's Chancellor Dion Profontis. And resistance has already started. Flock, that I have been patient. The time has come. Those that have refused my grace to walk amongst you, and must now be cut off. I need not tell you what you must do, because you know what you must do. Remember, your cause is just and righteous. So do this swiftly and with boldness. Fear not, my flock. I have great plans for you. Great speech. Yes. Divide and conquer. It's the oldest trick in the book. The wolves are circling and hungry. Fifth Angel, Resist the Tyrant, extrait de cet album When Angels Kill sur Overdrive Radio Duo. Et on va continuer avec une petite séquence de Guitar Hero. En premier lieu, la sortie qui a lieu aujourd'hui même de United Guitars Volume 4. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, il est le projet du rédacteur en chef de Guitar Extreme Magazine, Ludovic Egrat. Il nous sort ce double album rempli de différents guitaristes. On retrouve bien sûr le guitariste d'ADX, Neo Geo Fanatic, également différents univers qui vont du blues rock au hard rock au metal. Voilà, on va passer ce morceau Back to Life, composé par Tanguy Kellerou, et sur lequel on retrouve justement Neo Geo Fanatic en invité qui tape le solo. À noter que sur cet album, on a la participation de Nick Johnston, Max Ostro, des guitaristes de la nouvelle génération qui se sont fait connaître, bien entendu, sur YouTube et qui nous ont vraiment émerveillés par leur qualité. Back to Life, tout de suite, extrait de United Guitars Volume 4 sur ce double album rempli de notes de guitars. We'll be right back. Vous venez d'entendre Witch Hazel avec cet album Four Sacraments sur le label Metal Blade, là aussi très 70s dans l'esprit et le son, de très belles parties de guitare, voilà, s'enchaîner bien entendu à United Guitars Volume 4 dans Overdrive. Tout de suite, on va continuer avec le groupe Ice Age. Et ce morceau River Flow qu'on envoie tout de suite pour une longue plage musicale. Ça sera bien entendu dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Voilà pour le groupe River Flow, ce groupe américain qui nous sort son premier album, troisième album en 22 ans de carrière pour les amateurs de rock metal progressif. River Flow avec cet album Waves of Loss and Power, c'était sorti sur Sensory Laser's Edge avec le morceau River Flow. Les amateurs de groupes comme Styx, Kansas, Rush ou même Dream Theater devraient adorer. Il a été d'ailleurs mixé et masterisé par Rich Mouser, connu pour son travail avec Dream Theater ainsi que le supergroupe Transatlantic. On va rester dans le metal cette fois progressif avec Michael Romeo, guitariste de Symphony X, qui nous avait sorti l'année dernière War of the Worlds Part 2 après une partie 1 parue en 2018. Je n'avais pas passé cet album à l'origine lors de sa sortie et il était grand temps de réparer cela. War of the Worlds partout, on est vraiment proche de ce que fait Symphony X, mais le groupe n'a pas sorti d'album depuis 2015, donc on se rattrape ici avec ce superbe album. Notez la présence d'excellents musiciens comme toujours autour de Michael Romeo, déjà le chanteur Dino Jelusic qui nous fait une superbe prestation ici, ainsi que le batteur John Macaluzzo qu'on a vu avec Malmsteen, et ainsi que le groupe Ark il y a de ça une vingtaine d'années maintenant. Metamorphosis, extrait du War of the Worlds Part 2 du guitariste américain Michael Romeo. We'll be right back. Vraiment excellent que ce Symphony X, non, j'ai bien sûr dit Michael Romeo avec ce War of the Worlds Part 2. À noter l'excellente prestation du superbe chanteur Dino Jelosic. Dino Jelosic qui devrait être du côté de Guitare en Scène l'année, dans quelques semaines pour ce concert qui aura lieu sur le week-end du 21 juillet. Prochain, voilà, dans Overdrive Radio Duo. Maintenant, on va passer une petite annonce concert avec le Plein Air Fest qui aura lieu très proche de l'aéroport de Saint-Exupéry. Ce sera le 7 et 8 juillet prochain, Colombier Saunieu, avec une excellente affiche. On avait diffusé Massisteria ainsi que Blind Guardian la semaine prochaine. Un Blind Guardian qui n'a pas vraiment joué sur Lyon depuis des décennies. Et également le groupe français Carpenter Brut, extrait de cet album Lever Terror, avec dessus l'ancien chanteur de Dillinger Escape Plan en invité Greg Puciato. Ce sera le morceau Imaginary Fire qu'on imagine très bien repris sur la scène du Plein Air Fest. Donc on peut déjà préparer nos popotins pour danser sur le dance floor. Tout de suite, Carpenter Brut dans Overdrive Radio Duo. You're Yes, Carpenter Boat, ce sera sur la scène du Plein Air Fest le 7 et 8 juillet prochain. Réservé dès à présent votre soirée et dépêchez-vous de prendre vos places. C'est dans deux toutes petites semaines. Voilà, on continue avec une autre partie de l'affiche de ce Plein Air Fest festival qui aura lieu du côté de Colombier-Saunieux, sur très proche de l'aéroport de Saint-Exupéry. Ce sera le groupe Loud Blast, les tauliers du métal extrême français, sur la scène ici du Hellfest, la Rockard Tent, l'époque où il y avait beaucoup moins de scènes, où ce festival était beaucoup plus petit et où j'y allais. C'était le classique de Loud Blast, Cross the Threshold, tout de suite. Cross the fucker threshold. We'll be right back. Yes, j'espère que ce sera aussi bon que sur cette Rock Hard Tent de Clisson en 2010 lors du Plein Air Fest qui se tiendra le 7 et 8 juillet prochain à Colombier-Soleil et mieux, Saunieux. Ce soir dans Overdrive, sorti sur le label de Metal Extrême Non Serviam Records, Nexorum, excellent groupe de Blackened Death Metal, Nexorum avec Tongue of Thorns, une superbe prod, voilà pour les amateurs de groupes tels que Behemoth, ils devraient se régaler avec ce Pestilential Wind tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Yes, Next Room tout de suite, et on va quasiment se quitter avec Indie Recordings et son Flamen tout de suite pour là aussi encore un peu de Death Black Metal. We'll be right back. Et voilà, Overdrive, c'est terminé. 22h presque passées de 9, enfin de quelques 23h passées de quelques instants sur le 895 de Duo. On se quitte au son de Goat pour cet album de musique d'inspiration viking. Tout de suite, bienvenue et bien bon week-end pour tout le monde. Je remercie pour l'écoute. On rappelle les liens utiles, le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radioduo pour retrouver tous les liens des émissions podcast également qui sont hébergées sur la plateforme Mixcloud. Voilà, on rappelle le concert du Plein Air Fest qui se tiendra les 7 et 8 juillet prochains. Merci, ciao, bye bye. Radio Duo 89.5.